Et toi, tu viens d'où? De Toulouse. Et toi? De Toulouse. Eh ben ici, c'est pas Toulouse. Ici, c'est les Landes. Là. Si vous sortez des limites, vous êtes ange. Et là, c'est moi qui vous casse. Bitches on the bitch. Un cul. Bitches on the bitch. Bitches on the bitch. Bitches on the bitch. Come on, bitches. Bitches on the bitch. Bitches on the bitch. Bitches on the bitch. Bitches on the bitch. Wesh les mecs, on est posé au score. Tous les soirs c'est grillade de porc sur un air funky. On reflète la barbaque avec un petit peu de riz. On dit 31 man, mais jamais sur notre 31. Faut crier quand il s'agit de maté. Père de joli sein. On a faim man, on veut de la mer, le soleil et les bitches. Bitches on the bitch. Bitches on the bitch. Bitches on the bitch. Bitches on the bitch. Bitches on the bitch. Bitches on the bitch. Bitches on the bitch. Au score, tels des chercheurs d'or, nos trésors sont les bitches. Encore mieux si elles sont riches, l'arrêt et les miches. Canon, ici je sens et j'entends, elles ronronnent. Solange, viens étendre le linge. Laisse donc ces surfeurs tranquilles. Les Landes, c'est pas que la côte atlantique, putain, j'en place sud pour la chalosse. De Mont-d'Arcin à Ajetmo, de Dax jusqu'à Air-sur-Adour, putain. Ni Lot-et-Garonne, ni Gersois, ni Bordelais, encore moins Palois. Je fais 1m80, j'ai pas besoin des chasses pour être un Hollandais. Je suis pas non plus très gros, je suis un Finlandais. Je viens des Landes et je représente le 40. Putain de merde de sa merde. Bitches on the bitch. Bitches on the bitch. Oh yeah. Bitches on the bitch. Wow. Bitches on the bitch. Bitches. Bitches on the bitch. Come on, bitches. Bitches on the bitch. Bitches on the bitch. Bitches on the bitch. Bitches on the bitch. Je vais rentrer à tout le monde. Merci et à bientôt pour nouvelles aventures dans les Landes. Allez, au revoir. Et merci.